L'esprit et la sexualité, enregistrement fait lors de l'année 2024. L'esprit fait interférence lorsqu'il pénètre l'individu avec les différents éléments de sa vie. Donc, l'esprit va modifier le comportement de l'individu à mesure que l'individu intègre sa vibration. Donc, ça va modifier son rapport à l'argent, son rapport à la santé, à l'alimentation et également son rapport à la sexualité. L'individu, sur le plan biologique, est programmé à avoir des relations sexuelles régulièrement. Sur le plan de l'histoire de l'humanité, étant donné que dans un passé lointain, l'espérance de vie était limitée, que la personne qui vivait entre autres en nature pouvait être menacée par des animaux, que ce soit un lion, un tigre, etc. La sexualité a été développée sur le plan biologique pour que l'être humain ait une sexualité d'une manière régulière, étant donné qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile, l'espérance de vie, comme mentionné, était limitée. Donc, c'était pour compenser ça, entre autres. Sauf que dans le contexte moderne, ce qui était ajusté à une époque lointaine ne l'est pas nécessairement. Et l'individu, dans le contexte présent, qui s'individualise, est confronté à un remaniement de son rapport à la sexualité en relation avec l'intégration de la vibration du supramental, dans le sens que plus que l'ego est pénétré par l'esprit, et plus que à ce moment-là, ben, il va être obligé de réaliser qu'il n'y a pas de libre-arbitre. Donc, quelqu'un peut réaliser qu'il n'y a pas de libre-arbitre à différents niveaux. Ça peut être dans la gestion de ses finances, ça peut être dans la gestion aussi par rapport à c'est quoi les loisirs qu'il va avoir dans sa vie. Mais ça peut être aussi dans le rapport à sa sexualité. Et parce que l'esprit amène une altération de la personne dans son fonctionnement global au quotidien. Donc, même dans le volet le plus intime de sa vie. Puis, l'ego qui est manipulé par l'esprit, puis qu'il le comprend, puis il le voit consciemment, il va voir que, à quelque part, sa sexualité est sous le contrôle de l'esprit. Certes, lorsque la personne est inconsciente, elle peut connaître des dérapages dans sa vie. Donc, on voit dans la société occidentale, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec la sexualité, d'où le fait qu'on entend parler dans les médias qu'il y a des problèmes d'agression sexuelle, des problèmes de viol. Par contre, l'individu qui intègre la fusion et qui devient un contenant ajusté par rapport à l'énergie de l'esprit, puis une gestion qui s'installe, un individu qui a un niveau de conscience qui est élevé, il ne va pas violer d'autres personnes. Donc, au moment où est fait cet enregistrement, il y a été question dans les médias de cas de joueurs de hockey qui sont accusés d'avoir commis des viols et agressions sexuelles. Bon, pourquoi un tel phénomène peut arriver? La raison, c'est que des gens qui sont orgueilleux, puis qui ont un esprit de domination, donc des gens qui sont des vedettes sportives, dans certains cas, ils peuvent se croire plus importants que d'autres personnes. Et il y en a qui vibrent très fort au désir, qui se sentent en puissance, puis ils vont dominer, ils vont imposer des choses aux autres, alors que l'individu en fusion, il n'imposera pas. Dans le sens qu'il ne cherchera pas amener une personne hors dehors de son consentement ou une relation sexuelle. Donc, puis le rapport à la sexualité, pour quelqu'un qui vibre beaucoup à l'astral puis qui passe une conscience plus impersonnelle, la personne qui réfléchit à ça, ça peut être contrariant ou extrêmement plate parce que la personne est obligée de réaliser que si elle n'a pas d'arbitre dans la gestion de sa vie et ses énergies, ben c'est la même chose au niveau de la sexualité. La sexualité est régie par des lois d'énergie, dans le sens que si quelqu'un vibre trop fortement à l'astral dans son rapport à la sexualité, la personne peut avoir une sursexualité. La personne va s'abreuver d'éléments à caractère érotique ou pornographique, puis elle peut se masturber régulièrement, avoir du sexe régulièrement. parce qu'elle est surstimulée par rapport à des forces qui vont vampiriser ses énergies vitales d'une manière exagérée, en ce sens que si la personne, dans le fond, est occupée à avoir du sexe régulièrement, ben, l'énergie n'est pas utilisée pour faire d'autres choses qui seraient plus utiles dans l'optique d'une optimisation de son intégration de la conscience impersonnelle. Par contre, aussi, l'astral peut amener une personne à avoir une sous-sexualité. Prenons par exemple le cas de la personne qui rentre dans les ordres religieux, qui se fait dire qu'il est obligé de faire vœu de chasteté, et qu'à ce moment-là, la personne, on lui fait sentir qu'à chaque fois qu'elle a de la sexualité, elle se sent coupable, elle devient refoulée, elle devient alourdie de ça d'une certaine façon parce qu'elle est obligée de contenir tout le temps la sexualité, ça crée des formes de tension. Ça crée de la frustration aussi. Si une personne a une libido normale et est obligée de faire preuve de chasteté, alors que c'est pas dans sa nature, ben c'est pas intelligent dans le sens que la personne elle va avoir pareil des pulsions sexuelles puis elle va se sentir coupable. Pourquoi? Parce qu'elle respecte pas son rythme qui est normal. Donc, ça va y créer des tensions. Puis, dans ce sens-là aussi, la personne est astralisée. Parce qu'il y a des gens qui vont penser que la personne qui s'élève en conscience, elle n'aura plus de sexualité. C'est un signe qu'elle se détache de l'humanité pour éthériser sa conscience. C'est pas nécessairement le cas. Il y a des gens dans les ordres religieux qui se racontent des histoires sur le plan psychologique, qui se croient évoluer... parce qu'ils n'ont pas de vie sexuelle à comparer d'autres personnes, mais en réalité, c'est pas nécessairement le cas. La personne qui est réellement évoluée va vivre une sexualité qui est ajustée par rapport à l'intelligence de l'esprit, ni plus ni moins. Et atteindre cet état de juste équilibre dans la gestion de l'énergie, c'est pas quelque chose d'évident. Pourquoi? Ben, ça prend de la contenance. Puis pour que l'ego ait de la contenance, il faut que son intelligence soit ajustée à celle de son esprit. Puis pour que l'ajustement soit fait, il faut que l'ego soit capable de contenir cette énergie-là. Puis il faut que l'ego soit désastralisé. Plus que l'ego est désastralisé, plus qu'il va faire une gestion optimale des différentes énergies de sa vie, son énergie physique, son énergie intellectuelle et également son énergie sexuelle qui en fait partie. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que l'individu nouveau... est voué à être quelqu'un qui progressivement va se détacher de l'énergie sexuelle en tant que force biologique qui sert à la reproduction de l'espèce. Ben, ce que ça me dit, c'est qu'il va se détacher de la sexualité, dans le fond, de la suractivité sexuelle qui peut... qu'on peut chercher à l'amener à avoir à travers l'exposition à des... Quelqu'un peut regarder de la pornographie sur Internet, mais la personne peut tout simplement écouter un téléroman où ce qu'il y a tellement de scènes et de rebondissements à caractère sexuel ou suggestif que ça va la stimuler dans certains cas un peu trop sur le plan sexuel par rapport à ce qu'elle a à vivre par rapport à la sexualité. Mais plus que l'esprit, le double, prend le contrôle de la vie de l'ego... Puis plus que l'ego réalise qu'à quelque part, il est obligé de s'ajuster à l'intelligence de l'esprit puis dans toutes les sphères de sa vie. Ça peut représenter un deuil. L'ego qui était chevauché par l'astral, qui avait une sexualité un peu plus débordante qu'il était censé en avoir, puis là, il peut plus en avoir autant. Ça peut être contrariant par rapport à lui, un peu comme l'ego qui avance en âge. Puis si c'est un homme, un individu masculin, puis il se rend compte que ben avec les années, il y a moins de testostérone qu'il y en avait à 20 ans. La personne est rendue à 40 ou à 60 ans, réalise ça. Elle peut vivre un deuil par rapport à son changement biologique. Donc, puis le deuil que l'individu peut vivre dans le passage à la fusion par rapport à son rapport à la sexualité, c'est qu'il est obligé de faire le deuil du chevauchement astral qu'il pouvait connaître jusqu'alors. Certes, quelqu'un qui est dans son intelligence va dire « ben, il n'y a pas un gros deuil à avoir parce que l'astral parasitait et vampirisait ses énergies vitales. » Donc, à ce moment-là, entre quelqu'un qui se fait exploiter puis qui vit après ça quelque chose qui est un rapport à la sexualité, qui est libre d'une forme d'exploitation... C'est un petit peu comme quelqu'un qui sort d'une forme d'esclavage pour être affranchi puis vivre en lien avec les lois de la vie plutôt que les lois de la mort dans son rapport à la sexualité, alors que la sexualité doit être quelque chose qui est en relation avec les lois de la vie. Quelqu'un d'extérieur va dire ben, « ça doit être facile », mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les égaux. Mais chaque chose se vit en son temps. Quelqu'un peut écouter un enregistrement qui lui dit que s'il intègre l'esprit, à un moment donné, ben, sa sexualité, il n'en aura peut-être pas autant quand il veut ou quand il le désire. Il peut trouver ça épeurant ou contrariant, mais en même temps, plus que la personne entre dans la conscience de l'esprit, ben, en contrepartie, il vit d'autres choses. C'est-à-dire que si la personne, au lieu de se remplir puis de se sentir vivant et dynamisé dans son rapport à la sexualité, la personne s'alimente plutôt de vivre un état de vime mentale. Certes, la personne, elle se conscientise puis elle a une pulsion sexuelle puis à un moment donné, une relation sexuelle où elle se masturbe, elle peut profiter du moment présent, mais la personne, à un moment donné, en vient une conscience qui est manipulée continuellement par l'esprit, les situations, les événements, et que ses énergies sont orientées, puis ça peut être extrêmement contrariant, surtout par rapport à sa dimension intime, dans le sens que quelqu'un peut dire il va avoir, aujourd'hui une relation sexuelle avec sa compagne. En théorie, c'est supposé être possible, sauf qu'il y a un concours de circonstances qui fait que finalement, ben c'est pas possible, puis ça lui dit intérieurement que ça n'aura pas lieu, puis ça n'a pas lieu, alors que techniquement, c'est supposé d'avoir lieu. L'esprit, de par ses agissements progressivement, puis l'ego qui se conscientise, va amener l'ego à avoir accès à une certaine forme de voyance par rapport à sa vie, de compréhension, puis ça peut être très dur pour l'ego de réaliser que ça est dit intérieurement certaines choses. L'ego peut essayer de protester sous influence astrale. Puis, avec le temps, un peu comme un enfant qui est immature, il est obligé de reconnaître que finalement, ben, c'est intelligent que l'esprit lui fasse vivre ça parce qu'il intègre l'intelligence de l'esprit, un peu comme l'enfant qui mature et qui intègre une compréhension analogue à celle de l'adulte qui a encadré son comportement alors qu'il vivait au préalable un état d'inconscience. L'esprit, c'est un petit peu la même chose. Donc, un enfant qui est habitué régulièrement d'avoir des bonbons ou un jeune homme qui est habitué régulièrement d'avoir de la sexualité, à un moment donné, ça se fait casser. La personne se fait vivre une situation où ce que il ne peut plus avoir de sexualité, prenons par exemple par rapport à un problème de santé. Il ne peut plus, puis à ce moment-là, ça se peut que l'esprit l'amène à réaliser que c'est intelligent parce que l'énergie qui passait à vivre sa sexualité peut être utilisée ailleurs. L'amener dans une intégration plus vaste de sa conscience puis de le sortir d'une mécanicité dans un comportement biologique réflexe. Moi, en tant qu'ego, je viens de dire ça, puis là, je réfléchis ça, puis je me suis dit, Chris, je pensais pas te dire ça aujourd'hui. Puis là, il me vient en tête, d'où est-ce que ça peut venir, ce type de mots-là? Ah, il me vient en tête, j'avais écouté un enregistrement d'André Moreau qui disait que la sexualité, de ce que je comprends, c'était pas l'expression fondamentalement du coït mécanique névrotique. Donc, c'est sûr que la personne qui a un coït névrotique mécanique dans le sens que c'est un comportement par automatisme qui n'est pas vécu, investi en conscience, mais plutôt le fruit d'habitude, dans le sens que si quelqu'un est habitué d'avoir une relation sexuelle tous les mercredis, les dimanches soirs, par habitude environ, la personne est prise dans une structure. Or, l'esprit rend l'individu libre de la forme pour vivre éventuellement autrement la sexualité. L'esprit est libre de la forme dans tous les sens. Dans le sens que les concepts psychologiques relatifs à la sexualité, il est libre de ça, dans le sens que Il n'est pas soumis à la chasteté, il n'est pas soumis aussi aux formes d'expression sexuelle conventionnelle, dans le sens que quelqu'un peut dire, ben, l'individu, il doit être monogame ou non, l'individu, il doit être polygame ou il doit pratiquer la polyamour, il doit pratiquer ci, il doit pratiquer ça. Non, l'individu qui vit dans l'esprit, il suit un mouvement d'énergie. Certes, s'il a intégré le principe de l'amour, il va respecter son ou sa ou ses partenaires, parce qu'aujourd'hui, ça devient complexe. Puis il va suivre une vibration. Si l'individu, ça lui dit intérieurement, de par son esprit, toi, tu as juste à avoir une partenaire, parce que sans ça, tu te disperses trop au niveau de ton énergie par rapport à ce que tu as à accomplir dans ta vie présentement. L'individu est obligé de suivre la vibration de ce qui lui est indiqué, puis s'il le fait pas, puis à un moment donné, ben la personne, il y a plusieurs partenaires, puis là, il y a des guerres d'égo entre les partenaires, puis il perd beaucoup d'énergie. Tôt ou tard, il va être obligé de reconnaître l'intelligence de ce que ça y avait dit au niveau de l'esprit. L'esprit mène la vie de l'individu. C'est dur à accepter. C'est très contrariant. Pour l'ego qui peut réfléchir ou qui est sous influence astrale, à mesure que l'ego devient transparent, puis il vit son sevrage de l'astral consciemment, ça devient plus facile. Mais ça, c'est avec le temps et l'intégration de conscience. Puis l'ego réalise aussi que la sexualité n'est pas sous son contrôle, de serait-ce que sur le plan biologique. Quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge, prenons un jeune homme qui est dans la vingtaine puis se réveille à 2h du matin en érection, parce qu'il vit une tension sexuelle, bon, ben, il l'a pas nécessairement décidé. Même chose par rapport à un religieux qui fait jeu de chasteté, donc il a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec des personnes, il a pas le droit de se masturber. Puis finalement, la personne, elle se ramasse à faire des rêves érotiques ou elle a des relations sexuelles, puis c'est un homme à éjaculer au moment du rêve. Pourquoi? Ben, parce que il y avait une tension énergétique qui s'accumulait, c'est-à-dire les spermatozoïdes dans ses testicules, puis à un moment donné, ben, il faut que ça sorte. Il faut que l'énergie circule. La sexualité de l'individu, en réalité, devrait être fluide, mais une fluidité intelligente, harmonisée avec les lois de la vie, en relation avec le rapport de l'esprit, pas une sexualité mécanique inconsciente, ou pas une sexualité hypertrophiée par rapport à des désirs qui proviennent de l'astralité. Mais l'individu, si, par exemple, le religieux qui fait vœu de chasteté, puis il fait des rêves érotiques ou il y a des relations sexuelles avec des gens du même sexe ou de d'autres sexes ou ainsi de suite, quelqu'un peut être traumatisé parce que ça va à l'encontre de ses vœux. Mais tu sais, si la personne a la compréhension et la conscience que la pensée vient d'ailleurs, puis à un moment donné, ben il y a un phénomène de circulation d'énergie qui doit se faire. La personne peut tout simplement regarder froidement le processus en réalisant que quelque part l'énergie doit circuler et qu'on lui amène sur son écran mental des scènes pour l'amener à vivre une forme de sexualité. Mais cette sexualité-là lui est imposée malgré lui. Il ne l'a pas décidé, il ne l'a pas choisi. Même chose pour la personne qui n'est pas dans les ordres religieux puis qui vit un problème de santé. Prenons par exemple quelqu'un qui a un problème au niveau du pénis, puis il ne peut plus avoir une vie sexuelle normale, ben ça lui est imposé. Habituellement, les gens choisissent pas ça. Donc, il réalise qu'il n'est pas maître dans sa gestion de sa sexualité, il n'est pas maître dans la gestion de ses finances, ça c'est d'autres prises de conscience. Il n'est pas maître non plus dans sa gestion des gens qu'il rencontre ou qu'il ne rencontre pas. Fait que finalement, l'ego, il réalise qu'il n'est pas maître de grand-chose dans sa vie. Donc, plus que la personne réalise qu'elle n'a pas de libre-arbitre, son rapport change la sexualité dans le sens que, comme le religieux qui se sent coupable parce qu'il fait des rêves érotiques, la culpabilité, ça vient de l'astral, c'est un poison pour l'âme, donc il peut infiltrer par rapport à ça. Il va vivre ce qu'il a à vivre sur le plan biologique. Il vivra plus non plus un désir compulsif par rapport à la sexualité. Il y a des gens qui font de la dépendance sur le plan sexuel. Ce qui montre que leur sexualité n'est pas ajustée par la conscience. Toutes les perversions, les dérapages sur le plan sexuel sont en relation avec l'influence astrale. La sexualité présentement sur Terre n'est pas ce qui est appelé à être demain, ça c'est clair par rapport aux gens conscients. Puis éventuellement, ce qui va arriver, c'est que il va y avoir des ajustements vibratoires par rapport aux structures humaines. L'être humain de l'époque présente, suite à des changements techniques rapides qui ont eu cours lors de la période de l'industrialisation, environ dans les 200 dernières années, son mode de vie a changé drastiquement. Et l'esprit est en train de changer aussi l'être humain et la biologie, le rapport à la sexualité va être changé aussi en proportion. Parce qu'à un moment donné, ça ne devient pas intelligent que des gens qui aient compulsivement envie continuellement d'avoir des relations sexuelles. Parce que si les gens ont une espérance de vie plus longue, la mortalité infantile est appelé à disparaître, ainsi de suite. Bon, ben à ce moment-là, la sexualité qui avait une fonction de générer continuellement puis rapidement des êtres humains, ça a plus cours, là. Les gens nouveaux vont certes avoir encore des échanges d'énergie entre eux. Donc, mais tout ça va être régi par les lois de l'esprit puis pour des raisons d'évolution, ce qui est très différent d'aujourd'hui, dans le sens que si quelqu'un a un échange d'énergie avec une autre personne, c'est parce que l'échange d'énergie, s'il est aligné avec les lois de la vie, va amener un rehaussement vibratoire des deux individus qui sont mis en interrelation. La personne, lorsqu'elle est inconsciente, est manipulée par l'astral pour tomber amoureux de d'autres personnes, vibrer au désir sexuel, idéaliser l'autre, donc la lune de miel de l'âme. Mais au niveau de l'esprit, ça plus court. C'est quelque chose qui prend fin. La personne qui est en contact avec une autre personne ou mis en vibration pour aller avec elle, dans le cadre d'une relation en couple, c'est tout le temps des rapports de fonctionnalité sur le plan énergétique, dans le sens que les deux personnes peuvent avoir à parler ou s'échanger des choses mutuellement, compte tenu du fait que la nature des échanges va participer à un ajustement des égos et à une conscience élargie pour les deux individus concernés. Donc, c'est certes, au niveau de l'esprit, il peut y avoir encore des couples qui sont créés, sauf que les couples sont toujours en relation avec un agenda à caractère évolutif, dans le sens que deux personnes peuvent être mises, par exemple, en relation pour vivre ponctuellement une vie sexuelle active, pour avoir des enfants. Parce que les enfants de ces gens-là vont avoir des fonctions particulières dans la société de demain, et comme les parents ont développé un niveau de conscience qui les amène à véhiculer une psychologie renouvelée, les enfants vont bénéficier de ça. Et si les enfants sont appelés à être des enseignants dans une société, à ce moment-là, ils vont être capables de véhiculer une conscience nouvelle qui va amener un rehaussement des étudiants qu'ils vont avoir dans la société et participer à leur développement dans l'optique de la transition de l'involution vers l'évolution. Mais dans la société nouvelle, le rapport de la sexualité ne sera aucunement régi par la religion. Les notions de mariage, que la personne, il faut qu'elle soit mariée pour avoir une vie sexuelle, de toute façon, cette forme-là est tombée depuis plusieurs années dans la société québécoise. C'est pas aux prêtres de sceller des unions des individus pour déterminer si les gens peuvent avoir des relations sexuelles une fois mariés. Pourquoi? Parce que les individus conscients, c'est à eux de vibrer puis de vivre leur sexualité en fonction de l'écoute de leur intelligence, leur vibration. Leur rapport à la sexualité est très différent. Et pas régi par quelqu'un qui appartient, par exemple, à une religion qui va leur dire s'ils peuvent ou non avoir de la relation sexuelle, parce qu'à ce moment-là, ça deviendrait un véhicule qui est infantilisé. Certes, quelqu'un peut écouter le propos et dire, ben, si l'individu se réfère, il va voir par en dedans pour voir s'il peut avoir une autre relation sexuelle qu'une personne sans que ça lui chie les mains, que ça lui pose problème. Il vit une forme d'infantilisation par rapport à l'esprit. La réponse, c'est non, dans le sens que si l'individu est en harmonie avec lui-même, l'esprit n'est pas un autre, mais n'est que le prolongement de sa conscience unifiée. Ce qui veut dire que la personne, ben, de toute façon, la personne, à un certain niveau, on parle d'expression d'aller voir en dedans, mais la personne sait spontanément si elle peut ou non, ou elle a ou non avoir une relation sexuelle. Elle va être mise en vibration par l'esprit. Elle va s'activer vibratoirement, spontanément, en fonction de qu'est-ce qu'elle a à vivre. Donc, tout est issu spontanément. La personne va vivre, dans un certain sens, une forme de pilote énergétique vibratoire, mais ça ne sera pas le pilote énergétique de l'astral qui amène une personne dans des comportements, dans son rapport à la sexualité, qui sont désajustés, comme par exemple les égos qui sont en puissance, que ce soit des vedettes du cinéma, des vedettes sportives qui vont pécher par orgueil dans le sens qu'ils vont se croire tout permis. Ils vont avoir un culte de leur personne qui vont les amener à dominer d'autres personnes à travers le phénomène de la sexualité, c'est-à-dire à travers le phénomène du fait qu'ils vont violer ou agresser des gens là, sexuellement ou avoir des comportements sexuellement déviants qui ne sont pas habituellement autorisés en société. La sexualité, c'est quelque chose de délicat parce que d'un côté, la sexualité a été créée et générée par les forces de la lumière dans un passé lointain pour qu'il y ait une prolongation de l'espèce humaine. Puis en même temps, ben l'esprit est confronté au fait que, à quelque part, pour qu'il y ait une reproduction sur le plan biologique des êtres humains, ça prend de la sexualité, donc il ne peut pas l'enlever totalement à l'échelle du globe, même s'il y a des dérapages. La sexualité a une fonction. Est-ce que la sexualité nouvelle va être en relation avec le déploiement d'une énergie qui va être vécue davantage au niveau de la gorge plutôt que la génitalité? Oui, dans le sens que la sexualité nouvelle va être en relation avec un échange d'énergie. Mais là, à ce moment-là, on ne parlera peut-être plus nécessairement de sexualité. On va peut-être parler plutôt d'échange vibratoire qui va passer à travers, entre autres, la parole de l'individu qui va véhiculer une vibration qui l'autre personne qui reçoit la vibration va en bénéficier. Parce que, dans le fond, la sexualité, c'est quoi sur le plan biologique? C'est l'expression qui peut être vécue par rapport à... En fait, le parallèle entre la sexualité échange d'énergie sur le plan biologique peut être vécu sur le plan psychique entre deux consciences qui communient ensemble momentanément dans le cadre d'un échange d'énergie qui permet aux deux consciences de bénéficier de la vibration de l'autre momentanément. À quoi ça sert qu'il y ait des états d'unification sur le plan biologique? Bon, ça sert à gêner d'autres êtres humains, mais sur le plan psychique, des états d'unification énergétique. Ça permet d'équilibrer des vibrations. Dans le sens que si un homme, par exemple, a une vibration qui est très dense, puis l'autre, la femme, plus éthérique, bon, ben, ça permet d'enraciner la femme puis d'éthériser un peu l'homme. Advenant le cas, là, des fois, ça peut être aussi le contraire, tout dépendant des énergies. Mais il va venir un stade que l'individu va être capable de vivre des échanges énergétiques aussi avec des êtres interdimensionnels. Donc, il n'y aura pas nécessairement à vivre des états d'affiliation biologique ou psychique momentanément avec des êtres vivants sur le plan de la matière, mais il va pouvoir vivre des états comme ça avec des êtres qui vivent dans le cosmos. Donc, des états d'unité fusionnelle momentanée entre un individu, par exemple, et des êtres de nature extraterrestre ou extradimensionnelle, ça pourra éventuellement être vécu. Mais ce que l'individu doit comprendre, c'est que lorsqu'il est inconscient, il a l'impression que sa sexualité est sous le contrôle de son ego. Lorsqu'il se conscientise et réalise que finalement, ben, c'est pas nécessairement le cas, puis il reçoit des informations à l'intérieur de lui qui l'amènent à gérer sa sexualité d'une certaine façon. Puis lorsqu'il est totalement conscient, il vit sa sexualité sous le pilote automatique de l'esprit, dans le sens qu'il va être mis en vibration ou non pour avoir une sexualité en lien avec l'optimisation de sa personne en tant que véhicule servant à transmettre de l'énergie. Mais quand que l'individu, ce qui est drôle, c'est quand il est inconscient, il vit sa sexualité en fonction d'une forme de pilote automatique astral, dans le sens que la personne est téléguidée en fonction, par exemple, de l'influence de la télévision, des médias. La personne écoute des téléromans, il y a régulièrement des rebondissements dramatiques, mais aussi des scènes à caractère sexuel. Puis j'écoutais récemment une série télévisée, puis là, je me rendais compte qu'au fil des ans, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et là, ça me dit, ben si les producteurs de séries télévisées veulent garder l'attention des gens, ça leur prend continuellement des rebondissements à caractère dramatique, des scènes choc de conflit ou des scènes à caractère sexuel pour garder l'attention des gens qui sont suggérés. Pourquoi? Parce qu'on joue avec la nature des instincts des êtres humains. Donc, l'un des instincts de l'être humain, c'est l'instinct de reproduction, l'instinct sexuel. Donc, si on l'active, on capte l'attention. Le but de la personne qui fait, par exemple, un téléroman ou a fait un film, son objectif, c'est de maintenir l'attention le plus longtemps possible de l'individu qui l'écoute, entre autres, si il veut qu'il y ait du visionnement, que les gens réécoutent sa série, ainsi de suite. Donc, on utilise une prolongation de base de l'individu pour le manipuler puis aller chercher son attention dans une direction. Sauf que l'individu fusionné, ben, il va avoir un principe de volonté qui s'actualise à lui, qui va l'amener, dans certains cas, à se détourner des lois de la programmation du désir de la sexualité. Certes, il va pogner sa sexualité, certes, il peut vivre encore des états d'excitation sexuelle, mais tout ça va être vécu avec une forme de conscience différente de celle infantile dans laquelle il pouvait résider alors qu'il connaissait un état de conscience assujetti par des forces qui lui échappent. Il va être lucide par rapport à ce qui se passe. Il va être capable de regarder les choses froidement. Un peu comme, par exemple, un médecin qui est gynécologue. Il va passer sa journée à regarder des organes génitaux. Ici, la personne est médecin puis elle vit un rapport impersonnel par rapport au patient. Il n'y aura aucun moment qu'il va connaître un état d'excitation sexuelle, alors que l'exposition, dans certains cas, à des organes génitaux dans le cadre d'une télésérie à caractère romantique l'exciterait. Pourquoi? Parce que par rapport au même élément, le rapport est différent. Donc, quelqu'un qui a une conscience impersonnelle, il va regarder la sexualité à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, les sites de rencontres, tout ce qui est véhiculé d'une manière différente. Donc, c'est sûr que des gens perdent quelque chose pour acquérir quelque chose d'autre, dans le sens que quelqu'un peut perdre, par exemple, une vie sexuelle très riche, mais il peut gagner en contrepartie une vie psychique plus riche dans le sens que il va être moins dans la réflexion. D'ailleurs, ça, c'est intéressant à aborder parce qu'il y a des gens qui vont vivre un état de sexualité extrêmement intense dans leur vie pour neutraliser l'activité réflexive de l'ego, pour équilibrer leur énergie. Prenons, par exemple, quelqu'un qui est contrarié par son travail, ou que la personne est contrariée par sa vie amoureuse, la personne se réfugie sur Internet à écouter de la pornographie, ou même pas, elle va écouter des téléromans avec plein de scènes à caractère sexuel pour changer les idées. Elle fait une forme de compensation, puis elle souffre intérieurement, puis à ce moment-là, si elle se masturbe après, ça peut l'amener, dans certains cas, à se rééquilibrer sur le plan énergétique, parce que lors de l'orgasme, la personne vit un état qui n'est pas réflectif. Donc, elle vit une forme d'extériorisation d'une tension énergétique qui l'amène à vivre un état qui, momentanément, la sort de la réflexion compulsive et lui permet d'équilibrer ses énergies. Donc, la sexualité peut servir à ça. Sauf que si l'individu, au quotidien, ses énergies sont équilibrées, il réfléchit pas ou très peu, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de la sexualité pour s'équilibrer sur le plan vibratoire, étant donné qu'il vit en état d'équilibre. Et l'esprit va travailler l'individu pour qu'il vive continuellement en état d'équilibre. Autrement dit, qu'il n'aura plus besoin de vivre une sexualité active dans l'optique d'équilibrer ses énergies, parce qu'il va vivre un équilibre d'énergie. Certes, la personne qui vit une conscience avec l'esprit ne sera pas non plus castrée sur le plan biologique, dans le sens que la personne, du jour au lendemain, elle ne va pas arrêter de produire des spermatozoïdes si c'est un homme, ou avoir des pulsions sexuelles. Sauf que la sexualité ne sera plus alors un élément qui va être utilisé pour compenser des frustrations de l'ego, parce que l'individu qui va être dans son intelligence va ajuster à mesure les éléments de sa vie qui manquaient jusqu'alors d'ajustement. Donc, prenons par exemple un homme qui est en couple, qui se réfugie dans le visionnement de la pornographie ou d'écouter des téléromans à nouveau genre avec plein de rebondissements sexuels pour compenser une vie contrariante. Il va être capable, s'il vit de la contrariété, d'en parler à sa compagne pour que le rapport soit ajusté ou vice-versa. Dire les choses en réalité advenant qu'il y a un besoin par rapport à ça. Mais l'esprit change toute la vie de l'individu. Et le message de l'enregistrement, quand il est question que l'esprit va amener l'ego à réaliser qu'il n'y a pas de libre arbitre dans son rapport aux événements de sa vie ou même à sa personne, c'est que ça inclut vraiment tout, dont la dimension sexuelle. Donc, avant de compléter l'enregistrement, si en tant qu'ego, je pose la question à l'esprit, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ce qui est dit depuis tantôt? Oui, ça me dit l'individu nouveau qui vit un processus de conscientisation. Il n'y a pas à réfléchir à son devenir de la sexualité. Il n'y a pas à faire de l'anxiété à savoir si dans le futur il va avoir moins ou plus ou pas de sexualité. Il y a juste à s'occuper d'être bien ici et maintenant. Il y a juste à s'occuper, à se laisser être consciemment et d'agir ajusté en fonction des vibrations. Et une des particularités de la sexualité de l'être humain nouveau est pas, c'est que c'est une sexualité qui est libre du conditionnement social et d'hypnose des masses, des modes. Dans le sens que si une personne est dans une collectivité, puis la collectivité, disons que c'est des gens qui pratiquent, il y a des communautés qui vont pratiquer la polygamie, ou il y en a d'autres que c'est le mariage monogame, ou il y en a d'autres, c'est l'amour libre, c'est des peace and love, ou c'est le partnership amoureux polyérotique, ou c'est ci ou c'est ça. L'ego qui est conscient va pas vivre sa sexualité ou la chasteté pour les moines, les religieux. L'ego qui est en harmonie avec l'esprit cherchera pas à vivre en fonction d'une mode, mais il va chercher à vivre en fonction de lui-même, dans son individualité. Son rapport à la sexualité. Le rapport de l'ego conscient avec la sexualité, comme tous les aspects de sa vie, l'argent, le travail, l'alimentation, et va être individué par sa conscience. Puis même l'ego, si de par sa programmation est appelé à un moment donné à ne plus avoir de sexualité ou peut être en mesure sur le plan biologique d'en avoir en relation avec des problèmes de santé, l'ego va être appelé à vivre d'autres choses parce que la nature a horreur du vide. Autrement dit, ces énergies vont être canalisées autrement. Puis ça va le stimuler parce que l'ego peut dire, ben là, si je perds la sexualité dans ma vie, je vais manquer de stimulation, de plaisir de vie. Or, d'autres plaisirs de vie peuvent apparaître au sein de la personne. Puis le fait de véhiculer une vibration qui est vitalisante à travers la parole peut être une forme de plaisir de vie compensatoire. Mais encore là, à ce stade-ci, c'est plus de la compensation parce que l'ego cherchera, si l'ego s'harmonise avec l'esprit puis il peut avoir de sexualité, il cherchera pas un plaisir de compensation parce qu'il va avoir la conscience que c'est intelligent qu'il n'en vive plus. Donc, à ce moment-là, il va être en émission vibratoire créative comme étant quelque chose de naturel. De toute façon, l'ego qui devient conscient, il pourra plus réfléchir à la question de la sexualité éventuellement. Il va tout simplement vivre son rapport à la sexualité dans le cadre d'état de vide mental de forme réflexive. Il va suivre tout simplement la vibration. Mais il va suivre la vibration dans le sens qu'il ne vivra pas un état d'impulsivité soumis à de l'astralité. Mais il va tout simplement suivre des lois d'énergie. Et si l'ego a intégré le principe de la volonté, de l'intelligence à l'amour, ça va être dans le respect de ses proches. Si l'ego a une famille, ben, ça va être dans le respect de sa compagne. Ouais. Mais l'ego qui peut être orgueilleux ou entêté, à un moment donné, l'ego va dire, ben non, c'est pas vrai que je vais vivre la sexualité en lien avec l'esprit, je peux vivre ça quand que je veux puis que je peux. Il peut défier l'esprit, puis à un moment donné, il va avoir des concours de circonstances que si c'est un homme, ben, il n'est pas capable d'avoir une érection. il va être bloqué sur le plan énergétique, ou il est supposé, ou c'est une femme, il est supposé rencontrer un homme, finalement ça marche pas, ou il y a ci, il y a ça. Fait que finalement, les concours de circonstances vont faire en sorte que il aura pas le choix de vivre la programmation qui lui est assignée. Dans un sens, quelqu'un qui réfléchit à ça, c'est horrible parce que la société met l'emphase sur l'individu qui est aux commandes de sa vie. Il y a des programmes de croissance personnelle. L'individu peut avoir ci, il peut avoir ça. Puis plus qu'il intègre sa conscience, puis plus qu'il réalise que c'est pas ça. Donc, c'est sûr que ça peut être stressant ou anxiogène, l'idée que la vie n'est pas sous le contrôle de l'ego, dont la dimension sexuelle. Fait que là, l'ego qui, par rapport à ça, il peut se poser la question à intérieurement à son esprit. Est-ce que dans le futur, je vais être encore capable d'avoir des érections, ou est-ce que mon problème de santé va se régler et je vais être capable d'avoir une vie sexuelle normale advenant qu'il y a un problème de santé? Puis ça peut dire intérieurement, tu verras. Mais dans un sens, c'est insécurisant, mais dans un sens, c'est intelligent parce que ça ne fait rien miroiter à l'ego. Puis l'ego qui croit que ça va aller mieux alors que c'est pas réel, c'est fait avoir. L'ego que ça dit que ça ira jamais bien, puis dans le fond, ça va, sa sexualité se remet à fonctionner, ben, il est content. Il est surpris agréablement, puis, mais il se sent trahi parce qu'il s'est fait dire que ça ne marcherait pas. De toute façon, l'ego, il perd la capacité de croire, puis il réalise les manipulations énergétiques parce que l'esprit va souvent chercher à amener la personne par rapport à son futur à le décevoir. Pourquoi? Pour que l'individu arrête de vouloir savoir pour des raisons de curiosité, parce que tant que l'ego a de la curiosité, il ne fait pas ce qu'il a à faire dans le moment présent. Parce que la curiosité, c'est une forme de récupération astrale de l'ego. Parce que tant que l'ego, son regard est tourné vers l'avenir, ben, son énergie n'est pas mobilisée dans le moment présent pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Ce qui fait en sorte qu'il vit en décalage par rapport à lui-même. Il vit dans la réflexion. Si l'ego réfléchit par rapport à l'avenir, de qu'est-ce que va être l'avenir, bien, il est sous emprise astrale, puis l'esprit n'est pas intéressé à interagir avec une conscience sous emprise astrale parce que l'esprit ne cherche pas à nourrir l'astral, car l'esprit cherche à neutraliser l'astral au sein de l'ego et également éventuellement l'astral collectif. Donc, on peut dire que la sexualité de l'homme nouveau, ça sera une sexualité de la désastralisation. L'individu nouveau non plus ne sera pas fasciné et fascinant par le phénomène de la sexualité, dans le sens qu'un égo avec une conscience nouvelle, un peu comme le médecin, un gynécologue, il voit quelqu'un nu devant lui, quelqu'un qui peut être sexy ou pas, peu importe, ça y fait rien. Parce qu'il est dans une conscience impersonnelle. L'individu nouveau va être capable de vivre cet état-là de conscience-là. C'est sûr, ça va amener de l'incompréhension par rapport à quelqu'un de l'évolution. Par exemple, une femme qui veut séduire un homme, puis la femme, elle peut se mettre tout nu devant lui, puis lui, ça y fera rien, zéro puis une barre. L'individu qui est dans une conscience impersonnelle, parce que à ce moment-là, il n'est pas soumis à l'astralité, qui l'amènerait à désirer compulsivement la femme. Ou vice-versa, là, ça va dans les deux sens. Il peut être l'individu qui a une conscience nouvelle, il peut vivre une forme de détachement psychique ou qu'il ne vibre pas du désir par rapport à n'importe quoi. Ça peut être la sexualité, l'alimentation, etc. L'individu nouveau, il n'y a aucune dépendance à rien parce que la dépendance est en relation avec la soumission à des forces qui desservent l'individu et qui sont en relation avec son manque de volonté d'être libre dans le mental. L'individu nouveau est assujetti à aucune forme. Certes, le plan astral cherche à monter en puissance dans les sociétés occidentales. On peut voir à travers le phénomène de l'hypersexualisation des jeunes filles ou l'hypersexualité dans les médias ou les jeunes qui sont amenés à des comportements de séduction, des petites tenues sur le web, sur les réseaux sociaux. Il y a comme une forme d'astralisation dans les pays occidentaux en lien avec ça pour amener les gens, quelque part, à vibrer beaucoup de la sexualité. Dans un sens, ça amène un phénomène de vampirisation collectif d'énergie considérable qui pourrait être utilisé ailleurs en vertu d'un déploiement créatif d'individus. Donc, l'astral joue son rôle retardataire. Bien, c'est à l'individu conscient qui est en contact avec l'esprit de jouer son rôle d'être lucide, de comment qu'on cherche à le manipuler dans ses énergies, ses instincts, ses pulsions. De voir clair par rapport à tout ça. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement qui se rapportait au phénomène de la sexualité.